c'est vrai, il y a... Envisager. D'autres possibilités. Suite d'accord. Lequel on se mettrait. D'accord. Besoin de s'asseoir 2 minutes pour prendre en compte ces sons, ces vibrations. Venant d'ailleurs. Trois continents. Deux océans. Tentant de se rencontrer. Trois continents. Deux, trois océans. Dernier vers. Continental, boisson, n'ayant plus le droit de faire bouillir mon cru, les bouilleurs de cru sont anéantis. Que des canettes de Coca-Cola. Pour abreuver le peuple. Partout la même boisson. Empêcher de penser le peuple. Intercontinental Poison. D'avoir, d'en avoir plein nos armoires, dérision de nous, dérisoire, foule sentimentale, on a soif d'idéal. D'emballage, des gens lavés hors d'usage, et triste et sans aucun avantage. On nous inflige spécial. On est des fous. Sentimental. Faut voir comment on nous parle. À la télé le 12 juillet, on est viré. Si on n'est pas vacciné, hein, faut voir comment on nous parle. Alors qu'on a soif. Tout seul devant la télé, sur nos gros canapés, devant nos black mirrors, de plus en plus envahissants. De plus en plus, alors qu'on est foule, du ciel des vagues, un désir qui nous envahit. Comme on nous parle, comme on nous parle, comme on nous parle. Alors que nous, on est sentimental, révolutionnaire parce que sensible, révolutionnaire, sensible. Ayant du mal à vivre dans cette complexité, ce temps accéléré, de plus en plus le monde qu'on voulait pas s'impose à nous. Ça arrive, pas demain, aujourd'hui. Individu sensible, sentimental. Dissonance cognitive. En colère, quand même. Difficile de laisser passer les menaces, le chantage, l'injustice, l'incohérence, difficile, rester impassible. Quand les principes de notre République sont foulés aux pieds, par le premier garant de nos libertés, violence symbolique, atteinte à notre intégrité physique, on laisserait pas passer, non. Get mommy, there's no drones up in the sky. Get mommy, get mommy. There's no drones up in the sky. Do you think that break my? Do you think that? Do you think that break my ball? Do you think that? Get mommy. Me faire piquer aussi. Leur injection paradoxale. Car le soin est un humanisme. Ouais, ouais, yeah, yeah, yeah, yeah. On peut pas considérer les gens comme des choses, non. Non. On a le droit de pas être d'accord, on en a le droit. Universal rights of the human all around the planet. Yeah, we try, yeah, we fail. Yeah, we try. We try again. Thank you. Michel. Moshe. Vibration. surveillance, vidéoprotection, choisir. Tous un Black Mirror dans la poche. DGSE, DGSI, NSA, NKVD. Thank you. able to create, able to share, able. Thank you very much, guys. Regarde là ma ville, elle s'appelle Bidon. Bidon. Bidonville. Vivre là-dedans, c'est que ton. Qui ont la peau douce, la vendre pour manger. Dans les chambres, l'herbe pousse. Pour y dormir, faut se pousser. Les gosses jouent, mais le ballon, c'est une boîte de sardines. Bidon. Les hommes sont beaux.